بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on est toujours dans le deuxième chapitre donc de Kitab Tawhid de Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى et on était arrivé donc à lire ou à commencer, on avait commencé à lire le hadith d'Ibban radiyallahu an, donc hadith qui se trouve dans les deux sahih, dans le sahihain, dans le Bukhari et Muslim. Donc le hadith wa lahuma fi hadith Ibban fa inna Allah harram 'ala an-nar من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah en recherchant, en tournant son visage, ce qui est visé ici, on avait vu en détail, c'est l'ikhlas. بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله, c'est-à-dire l'ikhlas, c'est quelqu'un qui dit cette shahada, comme on l'a vu, en connaissant son sens et en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole, ses actes, les actes du cœur, les actes des membres. Donc c'est une expression pour parler et pour conditionner cette shahada ou la validité de cette shahada par l'ikhlas, c'est-à-dire l'exclusivité, le fait de vouer son culte uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit: "Ama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa." Et donc on a vu certaines règles importantes concernant les conditions de validité de la ilaha illallah. Et que ces conditions-là, elles sont tirées de certains ahadiths qu'on appelle ahadiths muqayyada, c'est-à-dire c'est des ahadiths qui viennent conditionner certains autres textes qui sont eux globaux. Comme on avait cité l'ahadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma min abdin, قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Donc il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah et qui meurt en étant sur ceci sans qu'il ne rentre au paradis. Ça, on avait dit que c'est ce qu'on appelle hadith mutlaq. Donc c'est un hadith qui est général, qui est conditionné par d'autres hadiths qu'on appelle hadith muqayyada. Donc c'est des hadiths dont on comprend qu'il conditionne, qu'il y a certaines conditions qui vont conditionner la validité de cette shahada. Donc on avait vu l'ilm, la science, l'yaqin, la certitude, etc. Et on avait vu que on tire de ces hadiths-là, ces conditions-là, en se basant sur la compréhension, sur le sens de la langue arabe. Donc rapidement, dans le hadith qui nous concerne, man qala la ilaha illallah yabtari bidhalika wajh Allah. On avait dit que grammaticalement, cette phrase-là, yabtari bidhalika wajh Allah, elle est hal. C'est-à-dire que ça indique l'état dans lequel est la personne qui fait l'action. Ce qu'on appelle sahib al-hal. Ici, c'est le sujet du verbe qala. Qala huwa. Donc ici, le sujet, le hal, il décrit l'état de la personne qui fait l'action, c'est-à-dire qui dit cette shahada. Cette phrase-là, elle décrit l'état de la personne qui dit cette shahada. C'est-à-dire que cette personne, en disant cette shahada, elle est dans un état de pureté, d'exclusivité. Elle voue son culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette phrase qui est hal, on tire de par la langue arabe et par ce qu'on appelle al-mafhoum, مفهوم المخالفة comme l'appelle al-usuliyun, c'est une compréhension par l'inverse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui man qala la ilaha illallah fa inna Allah harrama 'ala an-nar, ça c'est le hukm. Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah, mais dans quel état? Yabtari bidhalika wajha Allah, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voue son culte exclusivement à Allah, al-ikhlas. Maintenant, si on n'a pas cette condition-là, qui est traduite par cette phrase-là qui est hal, une phrase d'état, si on n'a pas cette condition-là, le hukm, il n'est pas valide. On ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, simplement, il dit فَإِنَّ اللَّهِ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. On ne peut pas dire. Parce que le hukm, il est conditionné par par cette phrase-là. Par cette phrase-là qui est une phrase d'état, hal. C'est pour ça que les ulama, ils disent concernant al-hal, ils disent al-hal wasfun li sahibihi, yani li sahib al-hal, wa qaydun li amilihi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que al-hal, la phrase d'état, elle dit wasfun li sahibihi. C'est une description de celui, ici dans notre cas, qui fait l'action, c'est-à-dire le fait de dire la ilaha illallah. Ce hal-là, cette phrase d'état, elle décrit dans quel état, elle décrit celui qui dit cette parole-là. Et qaydun li'amilihi. Qaydun, et il devient une condition pour le verbe. L'amil, c'est le verbe, c'est qala. Donc qala, la parole, elle est conditionnée par cette condition-là, qui est le fait, qui est l'ikhlas, pour bénéficier, on va dire, du hukm. Le hukm, c'est quoi? C'est le fait d'être interdit au feu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces conditions-là, et cette manière-là de comprendre ces ahadiths-là et de tirer les conditions de ces ahadiths-là, c'est exactement la même chose dans les autres conditions. On avait cité en parallèle les conditions que les ulama ont pris qui conditionnent la prière. Ils les ont pris du même genre de texte qui ont les mêmes formes. C'est-à-dire où on retrouve soit des sifat, des caractéristiques, soit des hal, des mots d'état ou des phrases d'état qui vont faire office de conditions. Et qui conditionnent la validité de la prière. Là, c'est pareil, sauf que ça concerne la validité de la shahada. On peut prendre par exemple concernant la sifat de l'ilm, le fait que cette shahada, cette parole, ne profite qu'à celui qui en connaît le sens. Le hadith de Othman dans Sahih Muslim, on l'avait déjà cité. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Donc celui qui meurt et qui sait que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah ou que seul Allah mérite l'adoration, alors celui-là, il rentre au paradis. Donc la phrase, c'est pareil, cette phrase, وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, cette phrase, c'est une phrase d'état. On l'appelle hal. Et le hal, comme on l'a dit avant, وَصْفٌ لِصَاحِبِهِ, c'est-à-dire qu'il décrit celui qui fait l'action. Donc ici, c'est le fait de prononcer cette parole-là. Et وَهُوَ يَعْلَمُ قَيْدُ لِعَامِلِهِ, c'est une condition pour le verbe. C'est-à-dire que ça conditionne la parole. Le fait de connaître le sens de cette shahada-là, donc النَّفِي وَإِثْبَاتِ, l'adoration d'Allah seul, ou le désaveu de toute autre adoration vouée à un autre que lui, ou le fait de le désaveu de toute autre divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou on peut dire l'adoration d'Allah الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ, ça montre que le fait de connaître cette signification-là, ça conditionne la validité de cette shahada. Et que ça a un mafhoum. Mafhoum al-mukhalafa. Ce qu'on appelle, ce que les usuliyoun, ils appellent mafhoum al-hal. Ça veut dire, si on reprend ce hadith-là de Uthman, et qu'on le comprend par l'inverse. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mafhoum al-mukhalafa, Man mata wa huwa la ya'lamu annahu la ilaha illallah, la da yadkhulu al-jannah. Celui qui meurt et qui ne sait pas ce que ça veut dire la ilaha illallah, il ne rentre pas au paradis. Ça, c'est ce qu'on mafoum al-mukhalafa, mafoum al-hal. Parce que cette phrase d'état qui conditionne le verbe, qui conditionne l'action, on n'a pas cette condition-là, elle n'est pas réalisée. Et ça, cette chose-là, on va la retrouver dans tous les autres textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna, qui viennent conditionner la validité de cette parole-là, de cette shahada, qui à la base est une parole, une croyance, une science et une parole. On a dit donc qu'il y a un sens et qui implique aussi des actes du cœur et des actes des membres. Donc c'est ce qu'on avait vu jusqu'ici et on s'était arrêté. Non, on s'était arrêté à la parole de l'Muhashi, Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah. Il dit وحينئذ فلا منافة بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. Donc là, il parle des différentes catégories de gens qui réalisent le tawhid. Parce que là, encore une fois, dans le hadith d'Ibn, on parle de quelqu'un qui réalise le kamal al-tawhid. Ce n'est pas juste asl al-tawhid ou asl al-iman. On rappelle que asl al-iman, c'est le fait d'adorer Allah seul et de se désavouer du shirk et d'être exempt du shirk akbar. Celui-là, c'est al-muwahid. On a vu, comme dans le hadith précédent, dans le hadith de Ubad ibn Samit, que le lieu où demeurera éternellement le Mouahid, c'est le Jannah, c'est le paradis, ça c'est sûr. Ce qui se passe avant, est-ce qu'il sera châtié pour les péchés qu'il a commis, etc. Ça, et on dit, c'est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, en tous les cas, sa fin, elle est au paradis. Là, on parle, dans le hadith d'Idban, il s'agit d'un degré supérieur. C'est quelqu'un qui a réalisé ce qu'on appelle kamal al-tawhid, ou le kamal al-wajib, ou le kamal al-mustahab, comme on avait dit. Donc, on a asl al-tawhid, ou asl al-iman. On a al-iman, ou kamal al-iman al-wajib, ou kamal al-iman al-mustahab. Kamal al-iman al-wajib, c'est celui qui adore Allah seul et qui se désavoue du shirk akbar et asghar et qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et qui s'écarte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et kamal al-iman al-mustahab, ça c'est celui qui en plus rajoute à ça des œuvres surérogatoires et qui délaisse des choses qui sont makrouhat. C'est-à-dire de makrouhat, c'est-à-dire des choses qui sont blâmables, non recommandées, mais qui n'atteignent pas le degré du haram, de l'interdit. Donc là, dans le hadith d'Ibn, clairement, il parle d'un degré supérieur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a réalisé kamal al-tawhid, le tawhid complet. Parce qu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit haram alay al-jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, al-nar. Allah, il l'interdit au feu, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout être châtié. Donc ça, c'est celui qui a réalisé un tawhid complet. Et donc, de la même manière que l'iman et le tawhid, yazid ou yanqus, c'est chez Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est-à-dire diminue ou augmente, c'est-à-dire le tawhid d'une personne est plus ou moins complet, de la même manière, ces conditions-là qui conditionnent la ilaha illallah, tazid wa tanqus, diminue et augmente. On avait dit que l'ikhlas, wa l'yaqin, wa sidq, toutes ces conditions-là ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La certitude, la sincérité, l'exclusivité des messagers, des prophètes et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après eux, c'est pas la même véracité, le même ikhlas que Foulan ou Allah, que monsieur tout le monde. Donc là, de la même manière que l'iman, il augmente et il diminue, de la même manière l'ikhlas, le sidq, le yaqin, ça augmente et ça diminue. Donc c'est ce qui est ici, il va citer les catégories de gens qu'on retrouve qui ont réalisé la base du tawhid et d'autres qui ont après ça qui ont réalisé un tawhid complet, plus complet ou parfaitement complet. Donc ici la première sorte qu'il cite, c'est les gens qui ont réalisé un tawhid parfait. Et il dit, c'est pour ça il n'y a pas de contradiction entre tous les hadiths. Il n'y a pas de contradiction parce que les hadiths décrivent différentes catégories de personnes. Il dit que l'exclusivité complète, donc l'ikhlas complet, de la même manière la certitude, ça, il dit celui donc, qui l'a dit, qui dit cette shahada-là, avec un ikhlas, c'est-à-dire l'exclusivité, et l'yaqin, la certitude totale. À la base, ça, c'est pas quelqu'un qui va persévérer dans le péché. On ne dit pas, encore une fois, al-sunnah wa jama'a, il dit, c'est pas quelqu'un qui ne commet jamais de péché. On sait que les meilleurs, ou parmi les compagnons, parmi les awliya, parmi même al-sabiqin al-awwalin, comme on avait dit dans le wasitiya, ceux qui ont fait le serment d'allégeance, ou qui ont fait le serment d'allégeance, oui, avant Al-Hudaybiyah, qui ont participé à la bataille de Badr, ou Bay'at al-Ridwan, Tahta al-Shajara, le Bay'at de Al-Hudaybiyah, parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont commis des péchés, des grands péchés, et qui ont été punis par le had, par la punition prévue dans la législation. Comme l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, on avait vu, ou de Mistah ibn Uthatha, dans l'histoire de l'Ifk, etc., c'est des grands compagnons, des badrites, des gens qui ont participé à la bataille, mais qui ont commis des fautes. Mais ce n'est pas des gens qui restaient sur leur péché, c'est des gens qui se repentaient, qui revenaient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une grande différence entre les deux choses. Et lui, et c'est pour ça qu'il dit que quelqu'un qui a l'yaqin, l'ikhlas, vraiment complet, donc qui réalise un tawhid complet, à la base, ça c'est quelqu'un qui ne va pas camper sur ses péchés, qui ne va pas persévérer dans le péché et être constant dans ce péché-là. C'est quelqu'un qui va commettre des péchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullukum ou kullu bni adam khatta'un ou khayrul khatta'in at-tawwabun » Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Tawwabun. À chaque fois qu'ils font un péché, ils vont se repentir. Donc c'est pour ça qu'il dit لَمْ يَكُنْ فِي هَذِي الْحَالِ مُسِرًا عَلَى ذَنْبٍ أَصْلًا. Dans cet état-là dans lequel il est, c'est-à-dire de yaqin, certitude complète, ikhlas, exclusivité complète, c'est pas quelqu'un à la base qui est constant, qui reste sur un péché sans s'en repentir. Et donc il dit, donc il continue en disant le shir, et donc cet ikhlas complet, cette certitude et cette exclusivité complète, ça va obligatoirement, induire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus aimé assez pour lui que toute chose. Et qu'il ne va rester dans son cœur aucune volonté de faire ou de dire quelque chose qu'Allah a interdit. Et qu'il ne va rester dans son cœur aucune gêne ou aucun comment dire, quelque chose qui va le repousser de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ordonné. Et celui-ci, c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit au feu, même si avant ça il avait des péchés. Ici, il faut bien comprendre justement la différence entre quelqu'un qui reste sur un péché, qui campe sur un péché et qui ne s'en repent pas, et quelqu'un qui commet un péché et qui s'en repent directement. La différence entre les deux, c'est quoi? La différence, c'est que celui qui reste sur un péché constamment, ça montre quoi? Ça montre que dans son cœur, il y a un amour pour cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Et c'est cet amour, ou ce que les ulama ils appellent ta'alluq, le fait que son cœur il soit accroché à cette chose-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit, et cet amour-là, ça va le pousser, ça va le faire devancer. Il va faire devancer son hawa et commettre le péché, et il va faire devancer son amour pour ce péché-là, pour cette chose qu'Allah il a interdit, sur l'amour d'Allah et de son messager. Mais encore une fois, ça reste qu'un péché, ça n'atteint pas le shirk akbar. Donc c'est pas cet amour-là, ce ta'alluq, il va pas le faire sortir de l'islam. Mais ça, c'est celui qui a aimé son nefs, il aime ce péché-là, il est accroché à ce péché-là. Et c'est pour ça qu'il va pas s'en repentir. C'est pas comme celui qui commet un péché par insouciance, comme ça, le rafla, comme ils disent. Ou le khata, ou le sahwi, par oubli, comme ça, il va tomber dans le péché. Celui-là, dès qu'il le commet, il se réveille tout de suite et il revient vers Allah et il se repent tout de suite. Ça, c'est autre chose. Son cœur, il n'est pas accroché à ce péché-là. Et c'est pour ça qu'il y a parmi les ulama, il y a des gens parmi les ulama qui ont considéré que le fait de rester comme ça, campé sur un péché sans se repentir, ils rentrent ça dans ce qu'ils appellent dans le shirk, ce qu'ils appellent djins ou shirk. C'est-à-dire dans le, comment dire, dans le genre du shirk. Ça n'atteint pas le shirk. C'est pas du shirk akbar ou du shirk asghar, mais c'est un genre de ta'alluq, un genre de lien qui existe entre le cœur de la personne et ce péché-là. Et ce lien-là, ça va le faire devancer le fait de faire cette chose-là sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un genre de ta'alluq. Ça, c'est la différence entre les deux choses. Et cette première sorte, donc comme il va le dire après, le fait d'être accroché à ce péché-là et de ne pas s'en repentir, ça, c'est quelque chose qui va affaiblir le tawhid de la personne. Ça va affaiblir son ikhlas, ça va affaiblir son yaqin, ça va affaiblir son sidq, si bien que la ilaha illallah chez lui, son tawhid, il va s'affaiblir. Et que dans la balance, cette shahada, elle n'aura pas du tout le même poids que celui qui le dit avec l'ikhlas et le yaqin total complet. Et ça, c'est provoqué par quoi? Par les péchés. Et le fait d'être, de rester sur ces péchés-là sans s'en repentir. C'est la différence entre les deux choses. Donc ça, c'est la première catégorie de gens, et c'est cette catégorie-là qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est interdit au feu. Donc c'est dû pousser par leur ikhlas, par leur yaqin, leur sincérité, leur exclusivité. Ça va empêcher la personne, évidemment, déjà de commettre shirk akbar, ça on n'en parle pas, mais même le shirk asghar, et de ne pas rester campé sur des péchés sans s'en repentir. La deuxième catégorie, il dit: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. Deuxième cas, c'est le cas de quelqu'un qui l'a dit et qui est exempt, qui est saint du shirk akbar. C'est quelqu'un qui n'a pas commis le shirk akbar, sinon il n'est pas mouahid, pas musulman. Mais il dit doun al-askhar. Donc c'est quelqu'un qui a commis certaines sortes de shirk askhar, de petits shirk. Donc on rappelle qu'il ne fait pas sortir de l'islam. Mais il n'a pas rajouté à ça. Il n'a pas rajouté au petit shirk d'autres péchés ou d'autres grands péchés. Et donc, cette hasanat-là, c'est-à-dire ce tawhid-là, cette sorte de tawhid-là, il n'y a aucune mauvaise action qui peut le contrebalancer dans la balance. Il reste plus lourd que toutes les autres mauvaises actions. Et donc, le plateau de la balance dans lequel on met les hasanat sera toujours plus lourd que celui des sayyat. Il dit comme ça vient dans le hadith del bitaqa, comme il va le citer après. Hadith del bitaqa, hadith de la carte, il va le citer après. Et celui-là, il est aussi interdit au feu. Il est aussi interdit au feu, simplement son niveau dans le paradis est moindre que celui qui avait un tawhid vraiment complet et qui était exempt et saint du shirk akbar comme du shirk asghar. Il a un degré moindre au paradis. Troisième catégorie qu'il cite, il dit « Wa hadha bi khilaf man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatihi wa mata musirran ala dhalika fa innahu yastawjibu an-nar wa in qala la ilaha illa Allah wa khalasa biha min ash-shirk al-akbar lakinnahu lam yamut ala dhalik bal ata ba'daha bi sayyi'atin rajahat ala hasanati tawhidihi wa innama yukhafu ala al-mukhlis an ya'tiya bi sayyi'atin rajihatin fayad'ufa إيمانه فليقولها بإخلاص ويقين كامل يعني مانع من جميع السيئات ويخشى ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فيمتنع الإخلاص في القلب فيسير المتكلم بها كالهاذي أو النائم فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب وكره العمل الصالح وثقل عليه سمع القرآن واستبشر بالذكر غير الله واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه فليقوى قولها على محو السيئات فترجح سيئاته على حسناته قال الحسن ليس الإيمان بتحلي ولا بتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. Donc cette troisième sorte de gens, donc qui font partie des gens du Tawhid, mais qui, comme il le dit, celui-là, c'est le cas de celui dont les mauvaises actions sont plus lourdes que ses bonnes actions. Et c'est celui qui meurt en étant, comme on l'a dit, en insistant et en campant sur ses péchés sans s'en repentir. Et celui-ci, il mérite le feu. Il mérite le châtiment. On dit, il est taht al-mashi'a, sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le punit. Et s'il veut, il lui pardonne. Il dit, et même s'il dit la ilaha illallah, et qu'il est exempt, il est saint du shirk akbar, mais qu'il vient après cela, avec des mauvaises actions. Alors, ceci va représenter quelque chose de plus lourd dans la balance des mauvaises actions, même si dans la balance des bonnes actions, il y a son tawhid, mais c'est un tawhid affaibli. C'est ça le sens. C'est-à-dire que son tawhid affaibli n'est pas assez lourd pour contrebalancer les mauvaises actions qu'il a faites. D'autant plus que s'il y a du shirk asra mélangé avec. Et c'est pour ça qu'elle... Il dit qu'on a peur pour celui qui pratique l'ikhlas, c'est-à-dire ici la base de l'ikhlas, qu'il commette après ça des péchés qui vont être plus lourds dans la balance que ses bonnes actions et donc que sa foi diminue. Et qu'il dise « La ilaha illallah » mais sans avoir un ikhlas et une certitude complète qui vont l'empêcher de commettre des mauvaises actions, des péchés, comme on l'a vu concernant le premier cas, celui qui réalise le tawhid complet, c'est-à-dire avec un ikhlas complet, une certitude, une sincérité complète. Celui-là, il n'a pas ça. Donc, ce tawhid-là, ça ne l'empêche pas de commettre des mauvaises actions. Et il dit, on craint même pour lui le shirk akbar. Parce que quelqu'un, même s'il est mouahid à la base, qu'il pratique le tawhid et l'ikhlas, à force de commettre des péchés et d'être constant, d'insister sur ces péchés-là sans se repentir, son iman, il peut faiblir jusqu'à carrément sortir de la foi. Sortir de commettre quelque chose qui va le faire sortir de même de la base de l'iman, qui devienne murtad. Kafir murtad. Il dit, et même s'il est exempt, il est saint du shirk akbar, il reste avec lui qu'il a commis du shirk asghar. Et en plus, il va rajouter à ceci, à ce shirk-là asghar, comme on a dit avant, des mauvaises actions, des péchés. Et donc, la balance des mauvais péchés est plus lourde que celle de ses bonnes actions. C'est quelqu'un dont l'ikhlas est faible, et même s'il dit cette shahada-là, il dit ces mots-là par sa bouche, c'est comme si c'est quelqu'un qui les dit sans s'en rendre compte, ou quelqu'un qui dort qui dit ces paroles-là. Le fait de rester sur ces péchés-là, de multiplier les péchés sans s'en repentir, et ça va avoir des conséquences. Entre autres, que le fait de prononcer cette shahada-là, ça commence à devenir lourd sur sa langue. Et son cœur se durcit. Et il commence à avoir de la répulsion pour les actes de bien, les actes d'obéissance. L'écoute, le fait d'écouter le Coran, ça devient lourd pour lui. Et lorsqu'on évoque autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou même les choses de dunya, etc., c'est des choses par lesquelles ça le rend joyeux, ça va le rendre joyeux, contrairement au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va commencer à se complaire dans les futilités, dans le fait aussi d'être en compagnie des gens qui ne se rappellent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ghafla, des gens qui parlent de dunya, qui ne se rappellent pas, qui n'évoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Leur compagnie, ça va commencer à lui plaire aussi. Et par contre, ce qui va lui déplaire, c'est d'être au milieu des gens du bien, des gens qui évoquent Allah, qui se rappellent d'Allah, qui lisent le Coran. Leur compagnie, cette compagnie-là, ça va le gêner. Il va avoir de la répulsion pour cette compagnie-là. Et celui-là, en fait, il dit par sa langue ce qui n'est pas dans son cœur. C'est-à-dire que le véritable sens de cette shahada-là, il dit les mots, mais ce que cette shahada, elle signifie, on ne le trouve pas dans son cœur. Non. Et bon, ça, c'est le sens le sens de sa parole, c'est les péchés. Le fait de multiplier les péchés et de ne pas s'en repentir, ça va affaiblir l'ikhlas. Ça va affaiblir donc l'exclusivité, l'ikhlas, l'yaqin, la certitude, la sincérité, tout ce que cette shahada-là, elle signifie dans la réalité. Cette shahada dans la réalité, elle signifie ça. C'est la sincérité, c'est l'exclusivité, l'adoration d'Allah seul, le fait de diriger son visage vers Allah et de s'écarter de tout ce qu'il y a en dehors d'Allah en étant sincère, en ayant l'yaqin, la certitude. Ça, c'est le sens de cette shahada. C'est pour ça qu'il dit une parole par sa bouche, mais toutes ces choses-là, l'ikhlas ou l'yaqin, sidq, la sincérité, on ne le trouve pas dans son cœur. Ou du moins, il y a la base. Parce que s'il n'y avait pas la base, il serait kafir. Là encore une fois, il faut bien faire la différence entre la base, ce qui va valider son tawhid, et le qadr zaid, ce qui vient s'ajouter à ça pour compléter le tawhid. Encore une fois, on a asl le tawhid. Si quelqu'un il dit la ilaha illallah et qui doute du sens de cette shahada, ou qui n'est pas sincère, pas du tout sincère, ou qui n'a. qui ne connaît pas du tout le sens de cette shahada-là, c'est quelqu'un, il n'a pas les conditions de la ilaha illallah. Et comme on a vu, cette shahada concernant, ce n'est même pas une shahada, c'est un témoignage qui est invalide. Il ne réalise pas le premier pilier de l'islam, il n'est pas musulman à la base. Là, on parle de quelqu'un qui est là-bas. Encore une fois, on a dit ces conditions-là, comme l'iman augmente et diminue, ces conditions-là, elles sont réalisées soit dans leur base, au minimum, pour valider la base de l'islam, mais elles ne sont pas réalisées, elles ne sont pas complètes. Et c'est ce qui va diminuer son tawhid, et c'est ce qui va alléger son tawhid dans la balance. Si bien que si dans l'autre plateau de la balance, comme on sait que la croyance bil mizan, comme on l'avait vu dans le Wasitiya, ça fait partie des croyances de Al-Sunna wal Jama'a, qu'elle a deux plateaux, comme on va le voir dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu après. Donc dans le plateau des mauvaises actions, on va avoir le shirk, du shirk asghar. Ça peut être de l'ostentation, ça peut être le fait de jurer par autre qu'Allah, le fait un tas de genre, comme on verra tout au long du livre, de sortes de shirk asghar. Et avec ça, il va rajouter des péchés, des grands péchés, au sujet desquels il ne s'est pas repenti. Donc ça alourdit le plateau de la balance des mauvaises actions, et son tawhid de l'autre côté, il est faible, parce qu'il n'est pas conditionné par ces conditions-là de manière complète. C'est-à-dire que c'était la ilaha illallah dans la balance, ça s'allège. Et du coup, le plateau des mauvaises actions est plus lourd. Et il contrebalance le poids de sa shahada. Et là, il mérite le feu. Il mérite le châtiment. Ensuite, il est tahta al-mashi'a. Allah Jalla wa Ala, il peut le punir comme il peut le gracier. Mais on sait que, comme ça vient dans les hadiths authentiques, que la majorité des gens qui réalisent la base de l'islam seront châtiés. Et parmi eux, il y a des gens qui bénéficieront de la shafa'a, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des anges et des croyants, de l'awliya, ou qui bénéficieront de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la majorité d'entre les mouahidines passeront par le feu. Donc les gens qui réalisent un tawhid complet et qui rentrent au paradis sans hisab ou al-azab, ou en étant, c'est-à-dire sans jugement et sans châtiment, ou en étant jugés mais pas du tout châtiés, ça concerne évidemment une petite part de la communauté, et cette petite part se trouve en grande part dans les premières générations et notamment dans celle des compagnons. Et plus les siècles avancent, moins les gens de cette catégorie-là existent. Mais il y en a toujours, Inch'Allah. Et donc, à la fin, il cite une parole de Al-Hassan Al-Basri, Rahmatullahi alayh. Il dit: Laysa al-iman bitahalli wala bitamanni, walakin ma waqara fil quloubi wa saddaqathu al-a'mal. La foi, ce n'est pas une parure. Ou le fait d'espérer quelque chose qui ne se produira jamais. Il dit, mais c'est quelque chose qui demeure dans les cœurs et qui est rendu véridique, valide par les actes. Donc là, ça, c'est parmi les paroles des salafs qui rejettent la croyance de l'Murji'a, qui disent que la croyance, l'iman, c'est juste tasdiq. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur, même s'il n'y a pas les actes. Là, on voit que at-tasdiq, il concerne aussi les actes. Comme Al-Hassan, il dit à la fin de sa parole, il dit, donc il dit, ma waqara fil quloub, c'est quelque chose qui demeure dans les cœurs, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, la croyance en Allah, at-tasdiq, les actes du cœur, l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait d'espérer en lui, d'avoir peur de lui, etc. Il dit, وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَلُ. C'est-à-dire que les actes, on peut même mettre les actes du cœur là-dedans, et les actes des membres, vont rendre véridique ce qu'il y a dans le cœur. Vont rendre véridique ce qui demeure dans le cœur. Donc quelqu'un, il ne peut pas prétendre avoir dans le cœur cet iman-là et rien faire par les actes. Ça n'existe pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vraiment vous prétendez aimer Allah, donc c'est ce qu'il y a ça dans le cœur, alors suivez-moi. C'est suivez ma législation. Obéissez à ce que je vous ordonne, écartez-vous de ce que je vous interdis. Faites les actes. Si vraiment vous prétendez que l'iman et l'amour d'Allah est dans vos cœurs. D'ailleurs, c'est le Hassan lui-même qui rapporte que ce verset-là, la cause de révélation de ce verset-là, c'est justement Allah, il a voulu tester des gens qui prétendaient aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mihna les a testés. Parce que on ne peut pas prétendre aimer Allah et son messager et ne pas suivre sa législation, ne rien faire des actes qu'Allah nous a ordonné de faire. Le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, il dit « Fille tahrimu al-nar ala ahli al-tawhidi al-kamili wa anna al-amala liyanfa'u illa iza kana khalisan lillahi ta'ala. » Et donc dans ce hadith-là, on a le fait qu'Allah Jalla wa'ala, il interdise au feu les gens du tawhid. Et là, il rajoute bien « el-kamil » complet. Donc on comprend bien que encore une fois, le tawhid, ce n'est pas qu'une seule chose. Le tawhid, il y a une base et il y a « el-kamal », c'est-à-dire la plénitude, le tawhid complet. Et là encore, comme c'est le cas pour l'iman, puisqu'on rappelle une chose qui est importante, c'est que quand on parle de tawhid, ou qu'on parle de iman, ou qu'on parle de islam, ou qu'on parle de bir, ou qu'on parle de din, on parle de la même chose. Ça a exactement le même sens lorsque ces termes-là, ils viennent seuls dans les textes comme on l'avait déjà vu. Ce qu'on appelle dalalat al-iqtiran, Walinfirat. Quand le mot il est cité seul dans le texte, il englobe tout le din. Qu'on dise iman, islam, tawhid, bir. Quand par contre on a ces termes-là dans un même texte, dans un même hadith, comme dans le hadith de Jibril, alors chacun y prend son sens. El muhim ici, de la même manière qu'on dit el iman yazid wa yanqus, si on dit al-tawhid, yazid, wayanqus, diminue et augmente, ça a exactement le même sens. On a une base, aslul iman, c'est tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul et le désaveu du shirk. Shirk akbar, pour réaliser la base. Pour réaliser un tawhid complet, il faut s'écarter du shirk asghar, délaisser, ne pas camper, ne pas persister sur des péchés et sur la bid'a, les innovations. Ça, celui qui réalise ça, il réalise un tawhid complet. Et ce tawhid-là, dans la balance, il n'y a aucune mauvaise action qui peut contrecarrer contre ce tawhid-là. Comme on va le voir après, inshallah, dans le hadith de ce qu'ils appellent hadith al-bitaqa. Donc ça, c'est pour le hadith de Ibn. Hadith de Ibn. Ensuite, le cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala, il cite le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala Musa alayhi salam, Ya Rabbi, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات سبع وعمرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Donc, hadith de Abu Sa'id al-Khudri, qui a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole de Moussa alayhi sallam. Moussa alayhi salam s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Ô Seigneur, enseigne-moi quelque chose par laquelle je vais t'invoquer, ou plutôt par laquelle je vais t'évoquer ou t'adorer, et par laquelle je vais t'invoquer. T'évoquer, t'invoquer. On va voir après la différence entre les deux choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son messager, Moussa alayhi salam, « Oh Moussa, dis la ilaha illallah. Dis cette parole-là. » Moussa, il a répondu, « Oh Seigneur, tous tes adorateurs disent ceci. Tous tes adorateurs disent ceci, disent cette shahada. » Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, « Oh Moussa, si les sept cieux et leurs habitants en dehors de moi, et les sept terres étaient dans un plateau de la balance, et la ilaha illallah, donc cette shahada, dans l'autre plateau, alors le plateau dans lequel est placé la ilaha illallah serait plus lourd, contrebalancerait et serait plus lourd que le plateau dans lequel on a placé les sept cieux et leurs habitants, c'est-à-dire entre autres les anges, plus toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées dans les cieux, et les sept terres, la ilaha illallah, serait plus lourd. Ce hadith-là, il est rapporté par Ibn Hibban et par le Hakim. Et le Hakim, il dit que c'est un hadith qui est authentique. Concernant ce hadith-là, bon, il y a des ulama qui ont discuté sur l'authenticité du hadith que le shir cite dans le matn, que le shir Mohammed rahimahullah il a cité dans le matn, hadith qu'on vient de lire, parce que dans la chaîne de transmission il y a quelqu'un, il y a un rapporteur sur lequel les ulama ils ont divergé, mais ça n'a pas d'incidence sur le sens. Puisque comme il va le citer après, le Muhashi, Ibn Qasim, rahimahullah, Sheikh Ibn Qasim, il va citer ce qu'on appelle un shahid, c'est-à-dire un autre hadith qui est rapporté par un autre compagnon, mais qui a le même sens. Ce qu'on appelle un shahid. Donc même si ce hadith-là, on part sur l'hypothèse qu'il soit daïf, faible, l'autre hadith, il est authentique pour les ulama et il a le même sens. Donc, il nous suffit. Donc, وعن أبي سعيد أبو سعيد الخدري واسمه سعد ابن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري مشهور بكنيته يعني أبو سعيد ونسبته إلى بني خضرة صاحب جليل وأبوه الصحابي واستسخر بأحد وشهد ما بعدها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأبي بكر وعمر وغيرهما وعنه جمع من الصحابة والتابعين مات سنة 74. Donc, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, il s'appelle Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji, vous êtes partie de la tribu de al-Khazraj, donc parmi les Ansar. Il est connu par sa kunya, c'est-à-dire Abu Sa'id. Et des compagnons comme ça, ou même des rapporteurs de hadith qu'on connaît par leur kunya, et dont on ne connaît pas le nom, comme Abu Bakr, par exemple, Siddiq. Ou d'autres même, c'est fréquent dans les hadiths qu'on ait des rapporteurs dont on connaît ou dont la kunya est plus connue que leur vrai nom. C'est pour ça qu'il y a des ulama, des savants du hadith qui ont écrit des livres sur el kunya, donc sur les kunya. Quand on dit Abu un tel, pour savoir de qui exactement on parle. Et donc, et il est attribué à la tribu des Bani Khudra. Et c'était un grand compagnon. Son père était un compagnon aussi. Il n'a pas participé à la bataille de Uhud parce qu'il était encore trop jeune à cette époque-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il n'acceptait pas les jeunes qui avaient moins de 15 ans. Mais il a participé à toutes les autres batailles après. Il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr et de Omar, et d'autres que deux. Et d'autres parmi les compagnons et les tabi'in ont rapporté des textes, des hadiths de lui. Et il est mort l'année 74 de l'Hégire. L'année 74. Donc il est mort bien après hein, la mort du prophète sallam, puisqu'il était, il était jeune. Il était jeune, puisque Oussousrira bi Uhud, ça veut dire que Allahu Alam, il avait certainement moins de 15 ans, je ne sais plus quand il est né à Abu Saïd. Il avait moins de 15 ans certainement à la bataille de Uhud. Donc il faisait partie des jeunes. Comme Abdullah ibn Omar, comme Abdullah ibn Abbas, comme Anas ibn Malik. Il faisait partie des jeunes compagnons. Et de ceux qui ont rapporté le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام موسى ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق رسول بني إسرائيل عليه السلام وكليم الرحمن قيل ولد قبل عيسى سنة 71 و 500 ألف وتوفي سنة 51 و400 ألف. موسى عليه السلام le fils de Imran, fils de Qahith, fils de Azir, fils de Lawi, fils de Yaqub, fils de Ishaq. Donc, il a été le messager des enfants, parmi les messagers, et le plus grand messager des enfants d'Israël. Bani Israël, donc, les enfants, on sait qu'Israël, c'est qui? C'est Yaqub. Donc, parmi les fils d'Israël, Moussa, c'est celui qui a le rang le plus haut. Puisqu'on voit, il remonte jusqu'à Yaqub. Fils de Ishaq, fils de Al-Khalil Ibrahim alayhi salam. Et il a été surnommé Kalim Ar-Rahman. Puisqu'on sait qu'Allah Jalla wa Ala, il s'est adressé à Moussa directement, sans intermédiaire. Il a parlé à Moussa directement. Kallam Allah Moussa taklima, comme on l'avait vu, il lui a parlé directement, sans intermédiaire. Et donc c'est on va dire un mérite que seul Moussa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu. Ils disent qu'il est né avant Isa en l'an 1561, donc avant Isa, et qu'il est mort en 1451 avant Isa. Donc Moussa il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya Rab, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ô Seigneur, enseigne-moi quelque chose par laquelle je vais t'adorer ou t'évoquer et par laquelle je vais t'invoquer. المحشي بن قاسم رحمه الله تعالى يقول أي علمني شيئا يجتمع لي فيه الأمران أثني عليك به وأحمدك وأسألك به. Donc, apprends-moi quelque chose qui réunit les deux choses, dans laquelle se réunit deux choses. Une chose par laquelle je vais te louer et une chose par laquelle je vais ou avec laquelle je vais te demander quelque chose, des choses. Donc là, il commence à expliquer le sens de adhkuruka ou ad'uka bi, la différence entre les deux choses, il va continuer après. قل يا موسى قال قل يا موسى لا إله إلا الله أو موسى دي لا إله إلا الله أي فإذا قلتها فقد دعوتني واثنيت علي فإن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله وهو مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة نحو ربي اغفر له متضمن لدعاء العبادة وذلك أنه مأمور بهذا فإذا فعله فهو فعل عبادة ولا إله إلا الله اشتملت على أمرين بل أعلاهما وأولاهما وهي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. Donc, concernant cette parole, la ilaha illallah, Moussa, il a demandé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala pour le louer, donc pour évoquer Allah, pour le louer, et pour lui demander, pour utiliser cette chose-là, s'il veut demander, lui demander, s'adresser à Allah et demander quelque chose. Et donc, s'il dit ça, alors... Donc, si tu dis le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, « Ô Moussa, si tu dis ça, alors tu m'auras évoqué ou invoqué et tu m'auras loué. » Parce que la dua, ce qu'on appelle dua, elle est de deux sortes. Ça, c'est important. Ce qu'on appelle dua, ibada, et ce qu'on appelle dua, mas'ala. Donc, la première chose que Moussa, il a évoqué, c'est donc, Shay'an adhkuruka, par laquelle je vais t'évoquer, ou par laquelle je vais t'adorer. Ça, c'est dua, ce qu'on appelle dua, ibada. Et là, il donne des exemples. Wa dua ou l'ibada nahwa la ilaha illallah wa subhanallah. Donc, dua, ibada, dans la réalité, c'est, rentre là-dedans, toute l'adoration. Que ce soit la salat, la zakat, le dhikr, tout le hajj, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle dua ou ibada. Dua, ibada. Il dit, wa huwa mustalzimun li dua'i al-mas'ala. Et ça implique ce qu'on appelle dua al-mas'ala. Dua al-mas'ala, c'est simplement le fait de faire une demande, de demander quelque chose. Dua al-ibada, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute adoration, ça rentre là-dedans. Dua al-mas'ala, c'est s'adresser à Allah et demander quelque chose. Soit demander quelque chose qui nous apporte du bien, soit demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala repousse un mal. On demande à Allah. Enfin, mas'ala. Dans mas'ala, on a su'al. On demande quelque chose. C'est la différence entre les deux choses. Et là, il dit... que dua ou l'ibadati mustalzimun li dua il mas'ala. C'est-à-dire que l'adoration, ça implique la demande. Pourquoi? Parce que quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, il y a. Il cite une raison, le shir. Plus loin, il dit wa zalika annahum ma'murun bi hadha. Ou si on revient sur dua al-ibada, ça implique dua al-masala. C'est-à-dire que l'adoration, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par le dhikr, par la salat, par la zakat, par le hajj, par le saum, le jeûne, etc., ça implique une demande. Quelle demande? La demande de la récompense. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on demande dans l'état dans lequel on est, c'est une ça a comme signification une demande de récompense. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je lui obéis Et là-dedans, il y a le sens de la demande de la récompense. Ce qu'on appelle l'isan al-hal. C'est-à-dire l'état dans lequel on est, l'état d'adoration. Cet état-là, il implique, il montre une demande de récompense pour cette obéissance, pour cette adoration qu'on a vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils disent du'a al-ibada ou yastalzimu du'a al-mas'ala. Et du'a, il dit, continue, il dit wa du'a al-mas'alati nahwa rabbi ighfirli mutadamminun li du'a al-ibada. Et la dua al-mas'ala, c'est-à-dire le fait de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, dit ça comprend l'adoration. Ça englobe, ça comprend l'adoration. C'est-à-dire quand on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe l'adoration. Et si, ici, c'est une raison, mais c'est pas la seule. Il dit, وَذَلِكَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهَذَا فَإِذَا فَعَلَهُ فهو فاعل عبادة وفاعل عبادة ولا فاعل عبادتي. Il dit ceci parce qu'Allah Jalla wa Ala, il nous a ordonné de lui demander. Il nous a ordonné de lui de nous tourner vers lui et de lui demander ce dont on a besoin. Donc le fait de réaliser, de se soumettre et de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est une adoration. On a obéi à l'ordre d'Allah. Et ça constitue une adoration. Cette obéissance-là, pour cet ordre-là, c'est-à-dire l'ordre de l'invoquer. Mais il y a une autre raison que les ulama citent, c'est que la personne qui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il demande, il est dans quel état? Il est dans l'état d'adoration par le cœur. Il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder ce bien-là. Il a peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas son invocation. Il s'en remet à Allah, tawakkul. Il se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que seul Allah peut lui donner cette chose-là qu'il lui demande. Donc toutes ces donc on voit que cette demande là qu'il fait par sa bouche, cette mas'ala, cette demande, qu'il fait à Allah, ça va englober, ça va comprendre des adorations, et notamment des adorations du cœur, l'espoir, la peur, et tawakkul. Donc c'est pour ça qu'ils disent que du'a ul mas'alati mutadamminun li du'a al ibada. L'invocation, ça comprend, ça va englober l'adoration, notamment l'adoration du cœur par les actes du cœur qu'on a cités. Puis il dit que la ilaha illallah, donc ça comprend, ça englobe deux choses, et même leur plus haut degré. Donc, comme il l'a cité, ça comprend quoi? C'est une invocation et une évocation avec une adoration. Et il dit que c'est le dhikr, le rappel, l'évocation d'Allah qu'on trouve le plus et la plus facile à dire. La plus facile à dire. Après, il dit فَإِنَّ أَحْرُفَهَا كُلَّهَا جَوْفِيَّ لَيْسَ فِيهَا حَرْفٌ شَفَوِي فَيُمْكِنُ قَائِلُهَا أن يقولها من غير فتح فمه وهو أسلم وأبعد عن الرياء وفي كونها جوفية أيضا إشارة إلا أنها تخرج من القلب وأحرفها كلها مهملة فتنبئ عن تجرد من كل معبود سوى الله. Non. Elle dit que toutes les lettres qu'on trouve dans cette shahada, c'est des lettres qu'on appelle shafawi. Harfun shafawi. Ou pardon, il n'y a pas une seule lettre. C'est que des lettres qu'on appelle jawfiya. Toutes les lettres qu'il y a dans la ilaha illallah, le lam, l'alif, etc., c'est que des lettres jawfiya. Ce n'est pas des lettres qu'on appelle ce qu'on appelle harfun shafawi. Chafa, donc les lèvres. C'est pas des lettres, pardon, qu'on prononce en utilisant les lèvres. C'est que des lettres qui sortent de l'intérieur de la bouche. On sait que certaines lettres se prononcent soit avec le milieu de la langue, le fond de la gorge, ou avec les lèvres, ou avec le palais, etc. Là, ici, ce qui veut dire le shir, c'est que toutes les lettres qui constituent cette shahada-là, c'est des lettres qui sont jawfiya, qu'on prononce à l'intérieur, avec l'intérieur de la bouche. On n'a pas besoin des lèvres. Si bien qu'on peut la prononcer sans ouvrir la bouche et sans bouger les lèvres, et il dit que c'est plus proche de l'ikhlas. De l'ikhlas que un dhikr qu'on doit prononcer en bougeant avec les lèvres. Et donc la personne en faisant ça, en la prononçant sans ouvrir sa bouche, il est plus proche de l'ikhlas et plus loin de l'ostentation. Donc c'est une petite parenthèse qui fait par rapport à ça. Il dit aussi que toutes ces lettres-là, elles sont muhmala. Muhmala, c'est-à-dire que ce n'est pas des lettres avec lesquelles on a un point là-dessus, là, comme le rain ou le, etc. Ce qu'ils appellent mu'jama. Et donc ça, il dit que ça indique le fait de s'écarter, de se purifier de tout autre adoré en dehors d'Allah. Bon, c'est un peu une analyse orthographique, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Il dit, وهي أفضل الأذكار وأعظمها معنى فهي كلمة العظيمة وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها سنة والفرض ولأجلها جردت سيوف فمن قالها وعمل بها صدق وصدقا pardon فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفيه أن ذاكر بها يقولها كلها وليقتصر على اللفظ الجلالة ولعله كما يفعله غلاة المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة ولا نافية للجنس إلى آخره. Donc là, il dit que c'est la meilleure évocation qu'on peut faire, le meilleur dhikr qu'on peut faire, c'est de citer cette shahada. Et c'est celle qui a le sens le plus grand, le plus important. Et c'est des mots. C'est des mots, de grands mots. Et c'est l'anse la plus solide, comme Allah il l'a décrit dans le Coran. Et c'est les mots de la taqwa, c'est-à-dire de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mots qui vont nous protéger du châtiment d'Allah et qui vont. Par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va, inshallah, pour le mouahid, lui faire don de sa plus grande récompense. Et c'est les mots de l'exclusivité, l'ikhlas. Et c'est pour ces mots-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Et c'est pour compléter cette shahada-là. Et ces mots-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré la sunna et le fard. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré les ordres, les interdits, etc. pour compléter ce tawhid-là, cette parole-là. Et c'est pour cette cause-là, pour ces mots-là, que le djihad, il a été légiféré. Que les épées ont été dégainées. Parce qu'encore une fois, le djihad, c'est une sorte de da'wah. La da'wa, elle se fait soit par le livre, soit par le jihad. Le combat, il est pas. Le combat, c'est pas une cause en soi. On combat pas pour combattre. On combat pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, le jihad fi sabilillah. Et celui qui l'a dit et qui œuvre par ce qu'elle signifie. Encore une fois, c'est qawl wa amal, des paroles et des actes, en étant sincère, en étant exclusif dans son adoration, en acceptant ce que cette shahada, elle signifie, en aimant cette shahada et les gens de cette shahada-là, le muhiddin. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait vu dans le hadith de Ubad ibn Samit, il le fait rentrer au paradis en fonction de ses actes. On tire aussi de ce hadith-là que celui qui l'a dit, qui dit cette shahada-là, il la prononce entièrement. Il ne se contente pas de citer simplement le mot Allah. Ça, on l'entend souvent. Ça. Subhanallah. Surtout, je me rappelle en Égypte, que quelque chose qui leur plaît, ils disent Allah, comme ça. Là, c'est pas une phrase à la base. Allah, quoi? Et ça peut yahtamil, yani yahtamil ma'ana jayid ou asayi. Allah, comme ça, Allah. Là, il y a fait chez ça, ça emmène rien. C'est pas une phrase, ça profite en rien. Donc, la sunna, c'est de prononcer ce dhikr, la ilaha illallah, complètement. Pas juste love the jalala, c'est-à-dire Allah. Ou il y en a carrément qui disent who, parmi certains soufis. Who, ils disent comme ça. Huwa, en visant Allah. Il dit ceci, c'est une innovation et un égarement. Ensuite, il revient un petit peu sur ce qu'on avait, il me semble, déjà vu, l'analyse grammaticale de la ilaha illallah. Il dit « Wala nafiyatun lil jinsi, nafiyan amman illa mastuthniya, wa khabaruha mahzouf, taqdiruhu la ilaha haqqun illallah. » Donc dans la ilaha illallah, le la, on l'appelle la nafiyatun lil jinsi. C'est-à-dire c'est un la qui va rejeter toutes sortes de divinités. Qui va rejeter toutes sortes de divinités. Ou ici, comme il le dit par la suite, on sait que la nafiyatun lil jinsi, il a comme kana ou comme inna, il a un nom et il a un khabar. Donc on dit ismu la et khabaru la. Donc ismu la ici c'est ilaha, la ilaha. On dit ilaha ismu la. Le mabni ala nasb la ilaha. Et le khabar c'est quoi? Le khabar il est caché, on ne le voit pas. Et les ulama ils disent que le khabar ici c'est haqqun. La ilaha haqqun. Illallah. C'est-à-dire, ce que encore on l'avait déjà évoqué, c'est important, ce que cette shahada, elle rejette, c'est-à-dire al-nafi. On sait qu'elle est composée de deux choses, deux piliers, al-nafi ou al-ithbat. Et ce qu'elle rejette, c'est pas l'existence, le fait qu'on puisse trouver d'autres divinités à la surface de la terre ou même dans les cieux, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Ce que cette shahada, elle rejette, elle renie, c'est le fait que ces fausses divinités méritent l'adoration. Et c'est pour ça que le khabar, ils ont donné au sens du khabar, haqqun, la ilaha haqqun. Il n'y a pas d'autres divinités en dehors d'Allah qui méritent l'adoration. C'est le fait de rejeter le mérite, l'istihqaq. Le mérite à l'adoration, c'est ça qui est rejeté dans par le nafi, par l'a. Illallah al-ithbat, c'est-à-dire que lui seul mérite l'adoration. Ou il y en a certains qui rajoutent le ba. La ilaha, yani la ma'boud, on se rappelle que l'ilah, le sens de l'ilah, c'est le ma'boud, c'est celui qui est adoré. La ilaha bihaqqin, illallah, il rajoute le ba. Le ba, ici on dit ba za'ida. On le rajoute pour être ta'kid, pour vraiment insister sur le hukm, sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul mérite l'adoration et toutes les fausses divinités. C'est tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Le ba, on le rajoute pour être ta'kid. La ilaha bihaqqin illallah. Et comment le ulama, sur quoi il se base pour dire que le khabar c'est haqq? Il se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit Qala Allahu ta'ala ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Et ceci parce qu'Allah est الحق, la vérité, c'est-à-dire celui qui est adoré en toute vérité, celui qui mérite l'adoration. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, et ceux qu'ils invoquent ou qu'ils adorent en dehors de lui, tout ceci est vain, ou al batil, la vainté, batil, mérite pas l'adoration. Wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir, et qu'Allah est le très haut et le très grand. Donc ils se sont basés sur ce verset-là pour établir, pour dire que le khabar dans la ilaha illallah, le khabar qui est mahdouf, qui est caché, c'est haq. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, c'est lui qui mérite l'adoration. Et tout ce qui est en dehors de lui, c'est le batil, mérite pas l'adoration. N'a pas les attributs, n'a pas les actes que nécessite l'adorer d'avoir ou d'être par lesquels les sifat par lesquels doit être décrit l'adoré pour mériter l'adoration. Seul Allah les possède, ces sifat et ces actes-là. Il dit, c'est pour ça qu'il dit après, fa ilahiyatuhu ta'ala hiya al-haq wa kullu ma siwa min al-aliha fa ilahiyatuhu batila. Il dit ceci parce que l'adoration d'Allah, ça c'est le haq, c'est la vérité. Et que tout ce qui est adoré, toutes les fausses divinités adorées en dehors de lui, elles sont batila, elles sont vaines, elles ne méritent pas l'adoration. Donc ce qui est rejeté, ce qui est nié dans la shahada, c'est le mérite à l'adoration. C'est pas le fait qu'on trouve dans l'existence d'autres divinités qui soient adorées. Parce qu'il y en a qui ont expliqué ça. Il y en a parmi surtout les nouhat, les savants de la grammaire, ils disent que taqdir c'est la ilaha fil wujud ou mawjud illallah fil wujud illallah. On ne trouve de divinité qu'Allah, n'existe de divinité que Allah. Non, il y a d'autres divinités, mais qui sont batil, qui sont vaines, qui sont adorées dans le batil. Mais elles existent, elles sont bien, elles reçoivent l'adoration. Il est, toute chose qui reçoit une adoration, il devient il est. Donc les divinités sont innombrables à la surface de la terre, mais une seule est adorée, bi haq, en toute vérité, et lui seul mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens de la shahada. Et le dalil, le verset qu'on a cité. Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.